بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala l'explication du livre de l'unicité Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. On est arrivé à la parole de l'auteur. باب قول الله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. Lorsqu'il leur a accordé صالحا, donc un enfant sain, préservé, alors ils lui ont accorder un associé quant à ce que lui, il leur avait accordé. Quand Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé un enfant sain, préservé, alors eux, ils ont accordé à Allah tabaraka wa ta'ala un associé dans ce que lui, il leur avait accordé. Fata'ala Allahu amma yushrikun. Allah est au-dessus de l'association qu'ils accomplissent. Il dit l'auteur rahimahullah, قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. Ibn Hazm a dit, ils sont unanimes quant à l'interdiction de tout nom qui montre une adoration pour autre que Allah, comme Abdu Amrin ou alors Abdul Kaaba wa ma ashbaha dhalik, et les autres noms qui vont dans le même genre. Hasha Abdul Muttalib, exception faite de Abdul Muttalib. Et donc avant de continuer à lire ce que l'auteur a cité, on va déjà expliquer ce qu'on vient de voir. Premièrement, le verset qu'il a cité dans le titre, l'auteur, rahimahullah, encore une fois, il nous montre l'importance du tawhid et le fait de vouer à Allah tabaraka wa ta'ala un culte exclusif sans lui accorder quelconque associé. Et on va détailler concernant ce verset par la suite. Bi'idhnillah. Et le premier sujet qu'il a cité dans ce chapitre, il nous parle du fait qu'il est interdit d'avoir un nom qui montre une adoration pour autre qu'Allah. Il a cité des exemples qu'on a cités précédemment. Et donc nous, on va commencer déjà par aborder le sujet des noms. Premièrement, lorsque tu te convertis à l'islam, est-ce qu'il t'est obligatoire de changer de nom ? La réponse, tout dépend de ton nom. Si tu as un nom qui est illicite, comme il y en a un qui s'est fait appeler, hein, il est passé sur les médias il n'y a pas longtemps, c'était Abdul Messih, adorateur du Messie, adorateur de Jésus. Alors lui, ce nom-là, il est interdit. Tu te convertis à l'islam, si tu as ce nom-là, on va te dire de le changer. Adorateur du soleil ou autre nom illicite, on va te demander de changer ton nom. Maintenant, ton nom ne rentre pas dans une interdiction. On va te dire qu'il n'est pas obligatoire de changer de nom. Tu peux garder ton nom que tu as depuis la naissance sans problème. Deuxième point, le cheikh, il nous a dit exception faite de Abdul Muttalib. Parce qu'il y a divergence chez les savants, est-ce qu'il est permis de s'appeler Abdul Muttalib ou pas? Pourquoi il y a cette divergence? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il a dit, Ana nabiyu la kazib, ana ibn Abdul Muttalib. Je suis le prophète sans mensonge, donc en toute vérité, et je suis le fils de Abdul Muttalib, c'est-à-dire ce qui est voulu ici, c'est le petit-fils. Et donc il a parlé de son grand-père, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de son grand-père, Abdul Muttalib. Et donc ici, certains savants voient qu'il est permis de se faire appeler Abdul Muttalib. Et en réalité, la vie la plus juste, comme l'a cité le très savant Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, c'est que cela n'est pas permis. Pourquoi ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a permis à aucun de ses compagnons de s'appeler Abdul Muttalib. Donc on reste sur la base. Il n'y a aucun des compagnons dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de s'appeler Abdul Muttalib. Premièrement. Deuxièmement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit « Je suis le fils de Abdul Muttalib », il ne dit pas qu'il est permis de s'appeler comme ça. Il nous parle d'un de ses ancêtres qui est mort et qui s'appelait comme cela. Il n'a pas dit qu'il est permis d'avoir ce nom. Et donc il est important, barakallahu fikoum, de faire la différence entre une information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne et un jugement qu'il donne. Et ensuite l'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala lamma tarashaha Adam hamalat. Et donc il a été rapporté d'Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qu'il a dit, et donc là c'est concernant le verset qu'on a vu au début. Lorsque Adam a eu un rapport avec son épouse, elle est tombée enceinte. Fa'atahuma iblis faqal inni sahibukuma alladhi akhrajakuma min al-janna. Alors Iblis, il est allé les voir, Adam et Hawa, Adam et Hawa. Et il leur a dit, je suis votre compagnon, celui qui vous a fait sortir du paradis. Les touti'annini ou les aj'alanna lahu qarnay ijil fayakhruju min batniki fayashuquhu wa li af'alan. Et donc là, Shaitan, dans cette narration, donc il est cité que Shaitan il leur a dit, je suis donc celui qui vous a fait sortir du paradis, vous allez m'obéir. Vous allez m'obéir. Et donc là, Hawa, elle était enceinte. Vous allez m'obéir, ou alors, cet enfant, je vais lui donner des cornes de cerf. De longues cornes. Les cornes de cerf. Et lorsqu'il va sortir de ton ventre, il va le déchirer. Donc il va, te faire d'énormes souffrances. Et certes, je le ferai. Yukhawifuhuma, il leur a fait peur. Sammiyahu Abdel Haris. Vous devez l'appeler, donc obéissez-moi, vous devez l'appeler Abdul Haris. Fa'abaya an yuti'a. Et donc ils ont refusé tous les deux, Adam et Hawa, de lui obéir. Alors l'enfant est sorti mort. L'enfant est sorti mort. Thumma hamalat. Fa'atahuma fa'zakara lahuma fa'adrakahuma. Fa'adrakahuma hubbul waladi fa'sammayahu Abdel Haris. Et donc ensuite, après cela, elle est retombée enceinte, Hawa. Shaitan est revenu les voir. Et il leur a cité donc ce qu'il avait dit la première fois. Et ils ont été touchés par l'amour de l'enfant. Ils l'ont donc appelé Abdul Haris. Abdul Haris, adorateur, donc serviteur de El Haris. Et c'est pour cela qu'il fut révélé la parole d'Allah. Tabaraka wa ta'ala, ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma. Ils lui ont accordé des associés. Un associé ou des associés dans ce que lui leur a accordé. Et donc Allah leur a accordé l'enfant et eux, ils lui ont accordé un associé. Ils ont appelé l'enfant Abdul Haris, serviteur d'Al Haris, au lieu de serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Rapporté par Ibn Abi Hatim. Premièrement, barakallahu fikoum, cette chaîne, on ne peut pas accepter donc ce texte. Car il n'est pas authentique. Jazakumullah khairan. Ce texte n'est pas authentique. Premièrement. Deuxièmement, il faut savoir donc que les savants, ils ont divergé. Qu'est-ce qui est voulu dans ce verset lorsque Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, alors ils lui ont tous deux accordé des associés dans ce que lui, il leur a accordé. Les savants ont divergé. Certains des gens de science, ou beaucoup, ils disent ce qui est voulu ici, c'est Adam et Hawa. C'est eux qui ont accordé à Allah tabaraka wa ta'ala un associé. Et deuxième avis, c'est que non, ce n'est pas Adam et Hawa, mais ce sont les descendants de Adam et Hawa, des descendants de Adam et Hawa qui ont fait cela. Et le Cheikh Ubayd, rahimahullah, dans son explication de ce livre, de Kitab al-Tawhid, il explique que l'avis le plus juste, c'est le deuxième avis. Ce ne sont pas Adam et Hawa. Pourquoi ? Premièrement, parce que Adam était un prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé concernant Adam. Ya Rasulallah, hel kana Adam nabiyan, au messager d'Allah, est-ce que Adam était un prophète ? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, na'am mukallam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé que Adam était un prophète. Deuxième point, les savants sont unanimes. Il y a unanimité des savants quant au fait que les prophètes et les messagers sont préservés de tomber dans les grands péchés, tels que la fornication, le vol, le fait de taxer une personne injustement de fornicateur ou fornicatrice. Et donc, ils sont aussi préservés de tomber dans le polythéisme, comme c'est le cas ici dans ce verset, ce qui a été cité. Et donc, on ne peut pas attribuer cela à Adam alayhi salam et dire que c'est lui et Hawa qui ont fait du polythéisme et qui ont nommé leur enfant Abdul Haris ou un autre nom dans lequel il y aurait une quelconque forme de polythéisme. Non. Et donc, l'avis le plus juste, c'est que dans la descendance de Adam et Hawa, il y a des gens qui ont fait cela. Dans leur descendance, il y en a qui ont fait cela. Voilà pourquoi, ici, donc, l'auteur qui nous cite d'autres avis aussi dans l'interprétation de ce verset, « Wala hu bisanadin sahih an qatada qala shuraka u fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi » Et donc, ici, il a été rapporté de Qatada qu'il a dit, des associés, ils ont accordé à Allah tabaraka wa ta'ala des associés dans son obéissance et non dans l'adoration. Et donc, on voit ici, dans cette explication de Qatada, que le fait d'obéir à Shaitan, c'est aussi une forme d'adoration, c'est aussi donc du polythéisme. Le polythéisme ne se fait pas que dans le fait de se prosterner pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. طيب الأوتار كي نودي بارك الله فيكم باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. Et donc le chapitre concernant la parole d'Allah le très haut, certes à Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc par ces noms, par ceux-ci, et délaissez ceux qui transgressent, ceux qui dévient dans ces noms. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه أي يشركون. Et donc Ibn Abi Hatim a rapporté qu'Ibn Abbas رضي الله عنهما, il explique ce verset en disant donc le fait qu'il fasse du polythéisme lorsqu'il transgresse dans les noms d'Allah, c'est-à-dire qu'ils font du polythéisme. Il a été rapporté d'Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qu'il a dit sammu al-lat min al-ilah wal-uzza min al-aziz. Et donc ils ont appelé leur divinité al-lat, ce nom-là, ils l'ont pris de El-Ilah. El-Uzza, ils ont dit une divinité des polythéistes, leur divinité El-Uzza, ils l'ont pris du nom d'Allah, El-Aziz. Et donc ils ont transgressé dans les noms d'Allah, Tabaraka wa ta'ala. Il y a une autre explication d'après l'A'mash, Yudkhiluna fiha ma laysa minha. Ils vont introduire dans les noms d'Allah des noms qui n'en font pas partie. Et donc ici, l'auteur Rahimahullah, il nous montre un point important, c'est que les noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ce sujet-là fait partie du tawhid. Ce sujet fait partie du tawhid. Et donc ce sujet aussi doit être maîtrisé. Le croyant doit faire attention à ne pas dévier dans le sujet des noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu vas invoquer Allah Azza wa Jal, tu vas l'invoquer par ses noms. Ô Allah, ô Ar-Razzaq, ô Al-Ghafour, ô Ar-Rahim, etc., etc., etc. Tu vas invoquer Allah, Tabaraka wa Ta'ala, par ses noms. Et tu n'as pas le droit d'invoquer en utilisant des noms qui n'appartiennent pas à Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, prenez-le comme règle, c'est important. On invoque Allah par ses noms et non pas par ses attributs. Et donc, tu peux dire, par exemple, Ya Aziz. Mais tu ne vas pas dire Ya Izzat Allah. Oh le Tout-Puissant, mais tu ne vas pas dire Oh la puissance d'Allah. Ya Rahman, Oh le Tout-Miséricordieux. Mais tu ne vas pas dire Oh, tu ne vas pas dire Ya Rahmat Allah. Tu ne vas pas invoquer Allah en disant Oh la miséricorde d'Allah. Cela est interdit. Et donc il n'est pas permis, barakallahu fikum, de rejeter les noms qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est attribués dans son livre. Et à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, il n'est pas permis non plus de rajouter des noms qui ne sont ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala sont tirés du Coran et de la Sunna. Et enfin pour finir, l'auteur qui nous dit « Bab la yuqalu assalamu ala Allah ». Le chapitre « On ne dit pas assalamu ala Allah ». Et donc, le salam, la paix, le salut soit sur Allah. On ne dit pas cela. Fis sahih. Et donc dans le recueil authentique. Ici, donc le hadith a été rapporté dans le Bukhari et Muslim. An ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui dit Kunna idha kunna ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi salati kulna السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. Et donc Ibn Mas'ud radiallahu anhu qui dit lorsque nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la prière, on disait « As-salamu ala Allahi » venant de ses serviteurs. Et donc, la paix soit sur Allah venant de ses serviteurs. « As-salamu ala fulan in wa fulan » et la paix soit sur un tel et un tel. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit « Ne dites pas « As-salamu ala Allah » parce que Allah, c'est lui « As-salam ». Allah, c'est lui, As-Salam. Et donc, Barakallahu fikum, parmi les noms d'Allah, il y a As-Salam. Hu Allahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wa shahada, hu ar-Rahmanur Rahim. Hu Allahu alladhi la ilaha illa hu, al-Malikul Quddusus السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Et donc parmi les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a As-Salam. As-Salam, celui qui est préservé, de tout manquement, de tout défaut. Es-salam. Es-salam, celui qui est pur et parfait. Es-salam, celui qui va préserver ses serviteurs et leur accorder le salut, la paix. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il est Es-salam. Et ça nous rappelle la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام. الله أكبر. Par celui-ci, Allah guide ceux qui suivent les causes de sa satisfaction vers les voies de Salam. Tu veux aller vers les voies de Salam, les voies d'Allah tabaraka wa ta'ala, les voies pures de la sainteté, du salut éternel. Et donc, tu dois suivre quoi? Le Coran. Yahdi bihi. Il guide par celui-ci, par le Coran. Par le Coran. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est Es-Salam. Parmi ses noms, Es-Salam. Nous affirmons cela. Et cela fait aussi partie du Tawhid. Comme nous affirmons tous les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ici, on voit une belle leçon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des compagnons se sont trompés et donc ils invoquaient en disant As-salamu ala Allahi min ibadihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait preuve de dureté envers eux parce qu'ils ne savaient pas. Et donc, dans l'enseignement, ô toi mon frère, ma sœur, lorsque tu vois quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas conforme à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut que tu fasses attention à la méthode, à la manière que tu vas corriger cela. Si cette personne est une personne qui est ignorante, elle ne sait pas, tu lui expliques. Il n'y a pas de raison d'avoir de la dureté. La dureté, tu vas l'avoir avec ceux qui savent. Ils savent pertinemment que le voile est obligatoire et vont nous dire non. Là, c'est de la dureté. Là, tu appliques la dureté. Oui, bien sûr. Par contre, celle qui ne sait pas, elle vient de se convertir. On lui a dit, elle écoute, elle répète. Elle ne sait pas. Ou alors celui qui ne sait pas que il doit s'habiller avec des vêtements suffisamment larges, qui ne montrent pas, qui ne dessinent pas sa aura. Il ne sait pas. Il vient jouer au foot avec ses frères, hein, le samedi. Il ne vient pas au cours d'ailleurs. Et donc il va jouer au cours avec ses frères le samedi. Et il ne sait pas. Et il a mis un petit short. Alors tu lui enseignes, tu lui montres avec douceur. Ya akhi, barakallahu fik, le prophète il nous a interdit cela. Il nous a interdit de regarder les cuisses de nos frères. Il nous a interdit de montrer nos cuisses à nos frères. Donc fais attention à ta aura. Jazakallahu khair, qu'Allah te préserve. Tiens, je peux te passer ce jogging en attendant. Tiens, je peux te passer cela. Barakallahu fik. Et en plus de ça, lors, à la mi-temps, on va faire la prière, mon frère. Comment est-ce que tu vas prier? Est-ce que tu vas prier dans cette tenue? Ah, non, tu ne pries pas dans cette tenue. Eh bien, de la même manière que tu ne pries pas dans cette tenue, ne joue pas non plus dans cette tenue. Et donc, on lui explique en douceur. Ce n'est pas comme celui qui sait déjà. Celui qui sait déjà et que non, on va le laisser comme si de rien n'était. Non, celui qui sait déjà, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et donc on tire des leçons de cet enseignement prophétique. Une personne qui ne sait pas, on conseille la personne en douceur, on lui montre. Barakallahu fikum. Et nous on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il nous accorde à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.